Pour la voiture électrique, j'ai pas décidé. Mais pour la borne de recharge, j'ai pas hésité. Je l'ai fait installer par un artisan qualifié. Pas par mon mari qui ronfle son canapé ! C'était Easy. Avec Easy by EDF, faites installer une borne de recharge compatible avec tout type de véhicule électrique. Mes travaux réussis, c'est simple. C'est Easy. Voir conditions sur easy-by-edf.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Bonsoir, dans Autant n'importe l'histoire aujourd'hui, 1940, le premier refus de Jean Moulin. Juin 1940, l'invasion de la France par l'armée allemande, commencée le 10 mai, semble inexorable, provoquant l'exode de millions de civils terrifiés vers l'ouest et le sud de la France. Tout s'est écroulé. L'armée française, qu'on disait la meilleure du monde, l'État, le gouvernement lui aussi est sur les routes, plus d'électricité, plus de téléphone ni de ravitaillement. Et alors que les Stukas ennemis bombardent villes et colonnes de réfugiés, au milieu de cette débâcle, quelques individus vont tenter de relever la tête et d'agir selon les principes de la République. Parmi eux, un quasi inconnu a mené un grand destin, Jean Moulin. Jean Moulin, ce symbole de la résistance, ce héros qui un jour entrera au Panthéon, est alors le jeune préfet d'Eure-et-Loir. Il fait partie des rares qui n'ont pas abandonné leur poste. Pendant des jours et des nuits sans dormir, Jean Moulin, à Chartres, se démène pour assurer soins et refuges aux sans-abri, donner de la nourriture, arrêter les pillages et les fausses rumeurs des défaitistes. Mais le 17 juin 1940, alors que les troupes allemandes viennent d'entrer dans Chartres, Jean Moulin va être confronté de plein fouet à la terreur physique et morale des nazis et fera le choix de la résistance. Un choix qui marquera son entrée dans l'histoire. France Inter, Stéphanie Duncan, Autant en emporte l'histoire. Bénédicte Vergès-Chaignon, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historienne, spécialiste de la Seconde Guerre mondiale et de l'occupation. Vous êtes l'auteur notamment d'une biographie de Jean Moulin, Jean Moulin l'Affranchi, chez Flammarion, qui raconte 25 jours qui ont marqué sa vie. Ce personnage, vous le côtoyez depuis longtemps, puisque lorsque vous étiez étudiante, vous le racontez dans votre préface, vous avez travaillé pour Daniel Cordier, celui qui fut le secrétaire de Jean Moulin pendant l'occupation. Il m'a embauchée pour 3 semaines pour faire des notes en bas de page et je suis restée 10 ans à ses côtés. D'ailleurs, on lui souhaite un bon anniversaire puisqu'il vient d'avoir 100 ans. Oui, le 10 août. Voilà. Alors, Jean Moulin est une figure héroïque, hein, je le disais, de la résistance, de l'histoire de France, même celui qui, envoyé par De Gaulle en France occupée, a réussi à unifier la résistance autour de De Gaulle. Arrêté et torturé par la Gestapo en 43, il mourra sans avoir parlé. En 64, ses cendres seront transférées au Panthéon. Ce qu'on connaît moins, c'est quand et comment Jean Moulin est entré en résistance. On peut même pas dire dans la résistance, puisqu'elle n'existait pas à ce moment-là. Est-ce que c'est juste, Bénédicte Vergès-Chaignon, de dire que le 17 juin 40 marque un tournant ? Oui, c'est vraiment une des journées les plus marquantes de sa vie, puisque c'est une journée où il va choisir de se donner la mort plutôt que de tourner le dos à tout ce qui est sa vie jusqu'à présent, c'est-à-dire la France, la République, le devoir et se tenir toujours à ses principes. Et à partir de ce moment-là, dans son combat résistant, il attendra toujours l'éventualité de mourir. Et cette renonciation de juin 40, eh bien, elle aboutira en juin 43, presque 3 ans jour pour jour. Oui, donc en 1943, il sera arrêté, torturé, mais il résistera et ne parlera pas. Il ne parlera pas et on ne sait pas, en fait, réellement, ni quand, ni comment, ni en un sens pourquoi il est mort, probablement à l'été de 1943. L'histoire que je vais raconter dans un instant, écrite par l'écrivain Patrick Péchereau, c'est lui qui m'avait proposé ce sujet auquel il tenait beaucoup. Cette histoire commence le 12 juin 1940. À ce moment-là, à cette date, qui est Jean Moulin et en grande ligne, quelle a été sa vie, sa trajectoire? C'est le jeune préfet d'Eure-et-Loir, en poste à Chartres depuis quelques mois. Il va avoir 41 ans. Il a fait une carrière préfectorale extrêmement brillante. Il a été tour à tour le plus jeune sous-préfet, puis le plus jeune préfet de France. C'est un radical socialiste, type Troisième République, tel que nous pouvons l'imaginer. Ça correspond à quoi, en fait, alors, politiquement droits de l'homme, laïcité, république. Et puis, dans son cas, à lui, une forte dimension antifasciste qui l'a marqué dans son engagement en faveur des républicains pendant la guerre civile espagnole. À ce moment-là, il appartenait au cabinet du ministre de l'air du Front populaire et il a participé à l'envoi clandestin d'armes et d'avions aux républicains espagnols. C'est un homme d'action. Est-ce qu'il a une ambition politique nationale ? Absolument pas. Il n'a même pas l'ambition d'une carrière politique. Il a voulu bien réussir dans sa carrière administrative. Il est extrêmement satisfait d'être préfet, d'être préfet fille jeune, mais il n'envisage pas du tout une carrière politique, de se faire élire même localement, de devenir député, d'entrer au gouvernement, pas du tout. Même si sous l'occupation, il disait en plaisantant que s'il survivait à la guerre, il aimerait bien devenir ministre des Beaux-Arts. Oui, parce que c'était un artiste. C'était un artiste. Un dessinateur. Sa première vocation, voilà, est le dessin. Il aurait sans doute pu avoir une carrière de dessinateur de presse qu'il a eu, je dirais, de façon dilettante en parallèle de sa carrière préfectorale. Et c'était aussi un grand collectionneur d'art contemporain. Et Jean Moulin, il est célibataire ? Oui, et il est divorcé. En réalité, après un bref et calamiteux mariage, et il n'a jamais souhaité se remarier, il est célibataire, il n'a pas d'enfant, et en ce sens, il n'a la responsabilité que de lui-même. Oui, ce qui évidemment sera plus... lui donnera une certaine liberté. Oui. Bénédicte Vergès-Chaignon, on poursuit cette discussion, si vous voulez bien, tout à l'heure. Tout de suite, 1940, le premier refus de Jean Moulin, un texte de l'écrivain Patrick Péchereau, écrit spécialement pour Autant n'emporte l'histoire. Réalisation, Christophe Hoquet. Chartres, 12 juin 1940. Je suis désormais seul pour organiser ce qui peut encore l'être. Le désordre est total. Plus de gaz, plus d'électricité, plus de nourriture. Dans le sauve-qui-peut général, même le maire a fui. À la préfecture, je compte chaque jour les fonctionnaires qui me restent. La ville se vide et les réfugiés continuent d'affluer. Il en vient de partout. De Belgique, du nord de la France, de Paris. J'assiste, impuissant, à l'effondrement de notre armée que j'avais demandé à rejoindre. Et je dois pallier les carences d'un État qui n'est plus capable de grand-chose. Je le ferai. Jusqu'au bout de mes forces, je le ferai. Rester à mon poste, quand tant d'autres l'ont déserté, sera ma façon de résister à l'écroulement du pays. Dans son bureau de la préfecture, Jean Moulin est écrasé de fatigue. Depuis des semaines, il s'adonne sans compter, mais autour de lui, tout craque. Le monde semble s'effondrer sous la poussée allemande. À Chartres, l'aube s'est levée sur les deuils et les ruines. Moulin se refuse au découragement, mais bien peu sont à ses côtés. Le docteur Foubert, seul médecin de l'hôpital à être resté après le départ du service de santé, sœur Henriette, qui le seconde, et Bénard, le seul conseiller municipal demeuré fidèle à son poste, assumant des responsabilités que d'autres ont désertées. Monsieur le préfet, de nouveaux réfugiés sont arrivés cette nuit. La ville va exploser si ça continue. Que voulez-vous que je vous dise, Bénard ? Essayez de leur trouver un endroit sûr pour s'opposer. Mais tout est engorgé, saturé, submergé. Bon sang, Bénard, je le sais. Je suis sur la brèche jour et nuit. Et faites preuve d'initiative. Pour commencer, versez-moi du café. J'ai pas fermé l'œil depuis deux jours. La cafetière doit être quelque part. Ah, là, sur la chaise. Mais qu'est-ce qu'il y fait du reste ? Merci. Il est encore chaud. Prenez, vous en avez besoin vous aussi. Merci. Et pour les réfugiés, monsieur le préfet, j'ai pensé à la gare, mais... Oui, très bien, la gare. Oui, mais elle est pleine à craquer. Le moindre train qui se forme est pris d'assaut. Les Allemands doivent jubiler devant cette panique. Vous êtes dur, monsieur le préfet. La peur est humaine. Ce n'est pas la peur que je condamne, mais le manque de raison. Chaque jour, on en voit le résultat. Les boulangers sont partis grossir le flot de l'exode. Il n'y a plus de pain. Allez, on pille les boulangeries. Et les gendarmes qui sont partis? Les gendarmes, quand j'y pense. En 14, nous les avions sur le dos. Pour faire monter les traînards au front, là, ils étaient là. Hein. Mais aujourd'hui, quand nous en avons besoin, repliés, sur ordre de l'autorité militaire. Quel gabe j'ai. Enfin, où en est la collecte de nourriture? Près de 1000 boîtes de pâté ont été rassemblées. Le lait? Aussi, bien sûr, oui. Ah, avec le bœuf abattu hier et les kilos de légumes qu'elles ont épluchés, les sœurs de la charité ont préparé un pot-au-feu gigantesque. Bien. Bien, j'ignore jusqu'à quand nous pourrons tenir ainsi, mais faites annoncer que nous allons commencer la distribution. J'y cours. Monsieur le préfet. Monsieur le préfet. Quoi encore? Place de la cathédrale, un groupe défonce les volets de la boucherie. Les imbéciles. Avec l'électricité coupée depuis des jours, la viande des frigos doit être complètement pourrie. Bon, j'y vais. Dites-moi, il y a bien un vélo à la préfecture? Un vélo? Je sais pas. Ah oui. On m'a volé ma voiture ce matin. Oh. L'exode a jeté sur les routes des millions d'hommes, de femmes et d'enfants. Chartres voit affluer des flots de réfugiés qu'il faut nourrir, soigner, évacuer. Services municipaux et de santé en débandade, la pagaille est indescriptible. Jean Moulin a tenté de dissuader la population de fuir. Pinceau en main, il a lui-même collé sur les murs des affiches appelant au calme. En vain. Sans moyens ni ressources humaines, il tente d'organiser l'indispensable. Il doit aussi canaliser la panique et calmer une foule prompte à rendre toute autorité responsable de ses malheurs. Dans la ville en ruine, des pillages éclatent, encouragés par les partisans de l'Allemagne nazie infiltrés parmi les réfugiés. 14 juin. Senonche. Épernon. Maintenant. Illiers. L'aviation allemande bombarde la moindre commune, le plus petit village. Hier encore, les Stuka en rase-motte ont mitraillé les routes. Plus de 600 morts dans notre pauvre département. Cette nuit, Chartres a de nouveau subi le passage de la Luftwaffe. La base aérienne est détruite, le centre de la ville est la proie des flammes. L'exode ajoute à la panique. J'ai essayé d'en convaincre les Chartrains. Aujourd'hui, les affiches que j'ai placardées me semblent dérisoires. Habitants d'Eure-et-Loir, n'écoutez pas les panicards. Chacun doit rester à son poste. J'ai confiance, nous vaincrons. Nous vaincrons. En suis-je toujours convaincu? Sur les 23 000 Chartrains, combien sont restés? Combien de réfugiés pouvons-nous encore accueillir dans une ville où plus rien ne fonctionne? Allô? Allô? Je vous entends très mal, la liaison est mauvaise. Vous dites que... Et cette nouvelle qui vient de tomber. Bénard, le gouvernement a quitté Paris. Mon Dieu. Le gouvernement siégera désormais à Bordeaux. Il n'y a plus qu'à espérer que les Allemands ne leur délogent pas. Rien ne peut donc les arrêter. Nos soldats livrent des combats acharnés, mais ils sont sous-équipés face aux Panzerdivisions. Et l'armée anglaise qui a rembarqué ses hommes. Ils nous ont bien laissé tomber. Churchill veut continuer la guerre autrement. Et d'abord reconstituer son armée. Son armée, oui. Il a laissé nos soldats face aux Allemands pendant qu'elle rembarquait. Allons, Bénard, les Britanniques sont à nos côtés. La décision qu'ils ont prise est difficile, mais le salut viendra probablement de l'Angleterre. Qu'est-ce que... Sœur Henriette, mais qu'avez-vous? Que se passe-t-il? Asseyez-vous. Donnez-lui une chaise. Oui, Bénard. Monsieur le préfet. Oui, oui. Asseyez-vous, ma sœur. Calmez-vous, calmez-vous. Reprenez votre souffle. Je reviens de la terre. Les avions allemands ont mitraillé une colonne de réfugiés. Non. Oh, quelle misère. Il y a des blessés partout, des cadavres, jusque dans les chemins creux. Oh, la guerre s'en prend même aux bêtes. Une bombe est tombée sur la ferme des Guérouettes. Oh, si vous aviez vu les pauvres vaches calcinées dans leur étable. La mort ne fait pas de détails. Les blessés qui n'ont pas pu être soignés sur place ont été transportés à l'hôpital. Mais nous manquons de tout, y compris de médecins. 16 juin 1940. Le soir tombe. Les Allemands sont aux portes de Chartres. Moulin sait qu'ils n'entreront pas dans la ville la nuit. C'est en pleine lumière qu'ils veulent témoigner de leur victoire. Jean Moulin est décidé à leur montrer que son département, vaincu, garde la tête haute et que la République n'est pas à terre. C'est en grand uniforme de préfet qu'il attendra l'ennemi. Laure, ma chère sœur, je pense à toi et à notre mère de tout mon cœur. Monsieur le préfet ! Une seconde, Bénard, une seconde. Nous vivons nos derniers instants de liberté. Le 26e régiment de tirailleurs sénégalais, qui avait été appelé pour couvrir l'armée de Paris en route vers la Loire, a livré des combats héroïques. Beaucoup de soldats ont fait le sacrifice de leur vie. Après avoir tenu tant que leurs forces le permettaient, ils ont dû, eux aussi, battre en retraite. Monsieur ! Une seconde, vous ai-je dit, est-ce trop demandé ? Les Allemands entreront dans Chartres d'une heure à l'autre. Représentant l'État français et la République, je serai probablement arrêté à leur arrivée. Sachez que, s'ils me faisaient dire des choses contraires à l'honneur, rien ne serait vrai. Je vous embrasse de toute ma force. Quand recevra-t-elle cette lettre ? Les postes ne fonctionnent plus. Bon, entrez, Bénard. Monsieur le préfet, cette fois c'est la fin. Les Allemands arrivent. Eh bien, ils nous trouveront à notre poste. Puisque le maire a déguerpi et que vous êtes conseiller municipal, vous le représenterez. Je vais demander à Monseigneur Lejard de nous rejoindre. Nous les attendrons dans la cour de la préfecture, au pied du drapeau tricolore, pendant qu'il flotte encore. Allez, descendons. Des motards. Non, ça va, ils ne s'arrêtent pas. L'avant-garde. Les autres vont suivre. Et croyez-moi, ceux-là... Peut-on savoir qui vous êtes ? Jean Moulin, préfet. Et voici Monsieur Bénard, représentant de la municipalité, et Monseigneur Lejard, vicaire à l'évêché. Messieurs, la fortune des armes vous amène en vainqueur. Nous nous inclinons devant les lois de la guerre et je puis vous affirmer que l'ordre ne sera point troublé si, de votre côté, vous nous donnez l'assurance que vos troupes respecteront la population civile, et spécialement les femmes et les enfants. Vous pouvez être sûr que les soldats allemands respecteront la population. Je vous considère, monsieur le préfet, comme responsable de l'ordre et je vous prie de demeurer ici. Dites à tous vos administrés que la guerre est finie pour eux. Écrire, noter, tout consigner. Porter témoignage. Ce carnet sera mon journal de bord. Aujourd'hui, 17 juin, la promesse de respecter la population a duré une journée. Depuis, ils volent tout ce qu'ils peuvent. Conserves, tissus, bouteilles, bijoux, phonographes. Même des officiers s'y sont mis, sans souci de leur honneur. Hélas, certains Français ne se comportent pas mieux. La guerre change les hommes. À moins qu'elle ne les révèle. Ce matin, j'ai vu des compatriotes briser des devantures et se livrer au pillage. Les Allemands les encourageaient. À croire qu'ils se réjouissaient de voir jusqu'où un vaincu peut tomber. Qui sait si nos pillards à nous ne se vengent pas de leur propre malheur. Ils en sont venus à penser que la France les a abandonnés et qu'elle a ce qu'elle mérite. Un officier demande à vous voir. Monsieur le préfet, le général désire s'entretenir avec vous. Je suis chargé de vous escorter jusqu'à l'hôtel de France. Très bien. Je vous suis. On va sans doute me signifier que je suis prisonnier. Va-t-on m'envoyer au Stalag ou me détenir sur place ? Les Allemands ne sont pas encore capables d'administrer quoi que ce soit. Ils ont besoin des représentants de l'État. Mais quel État servirais-je alors ? Le seul à être légitime est l'État français. S'il vous plaît, monsieur le préfet. Veuillez attendre dans le hall. Je vais prévenir le général. Jean Moulin reste dans le hall de l'hôtel sous la garde d'une sentinelle. Drapeau à croix gammée, portrait du Führer, caisse en attente d'être déballée. Les Allemands ont commencé à s'approprier les lieux. Moulin observe leur va-et-vient. Une demi-heure s'est écoulée. Nerveux, il allume une cigarette. Monsieur le préfet, je dois vous informer d'une chose très grave et très déshonorante pour l'armée française. Déshonorante? Des civils assassinés, des femmes et des enfants massacrés. Vous avez dit assassinés? Oui. Et ce n'est pas tout. Ils ont été violés. Quelle horreur! Mais quand? Où? Sait-on par qui? Les soldats d'un de vos régiments sont les auteurs de ces crimes. Des soldats français? Vos troupes noires, monsieur le préfet. Vos troupes noires. Non, c'est impossible. Pourtant, c'est la réalité. Les preuves de leur culpabilité sont accablantes. Elles sont consignées dans un rapport signé par notre général au nom de l'armée allemande. Il ne manque que votre signature. Ma signature? Vous représentez l'autorité civile? Certes, mais... Attendez, je ne comprends pas. Nos tirailleurs sont incapables d'une telle action. Monsieur le préfet, vos Africains sont avant tout des sauvages. Nous les avons vus à l'œuvre en 14. Le fusil dans une main, la machette dans l'autre. Ce sont des primitifs. Incapables de dominer leur instinct. Écoutez, ils combattent farouchement, mais jamais ils ne commettraient un tel crime sur des civils. À plus forte raison sur des femmes ou des enfants. Je crains que vous m'ayez mal compris, monsieur le préfet. Les faits sont avérés. Nous ne vous demandons pas de participer à une enquête, mais de contresigner un document qui le relate. Ma signature représente l'État français, et je n'ai pas pour habitude de l'engager ainsi. Je n'ai sans doute pas été assez clair. Le général voulait me voir, pourquoi ne me reçoit-il pas? Vous le verrez plus tard. En attendant, suivez-moi dans ce bureau. Depuis 1918, les nationalistes allemands n'ont cessé d'exacerber la rancœur engendrée par la défaite et le traité de Versailles. L'occupation de la Ruhr en 1920 par des troupes coloniales françaises, considérées comme l'émanation de peuples primitifs, a été vécue comme une humiliation supplémentaire. Le 7 novembre 1918, lors de la négociation de l'armistice, le ministre allemand des Affaires étrangères, Wilhelm Solf, avait prié les Alliés d'épargner le territoire allemand de l'occupation par des troupes de couleur. Insécurité, viol, propagation de maladies vénériennes, les soldats africains étaient accusés de tout. Les fake news avant l'heure se propageront même au-delà des frontières allemandes avec une vigueur surprenante. À leur arrivée au pouvoir en 1933, les nazis entretiendront la peur et l'humiliation. Pour attiser à nouveau la haine contre la France, écrit Goebbels, il faut montrer comment cette nation en déclin démographique essaye de vaincre l'Allemagne par des peuples jaunes, noirs ou bruns d'outre-mer. Il faut dénoncer les Français comme des sadiques négrifiés. En mai et juin 1940, les soldats coloniaux paieront le prix de cette politique. Massacres et exécutions sommaires de prisonniers, destruction des monuments aux morts érigés en mémoire des tirailleurs sénégalais de la Grande Guerre. Monsieur Moulin, vous hésitez à signer un document relatant des faits qui se sont produits aux abords de cette ville? Tenez, prenez-en connaissance. Nous ne vous demandons pas de signer les yeux fermés, bien sûr. Sa lecture vous fera changer d'avis, j'en suis sûr. J'en doute. Je ne vois là que des suppositions. Une accusation sans fondement. Dans leur retraite, des troupes appartenant à vos régiments coloniaux ont emprunté la route sur laquelle ont été massacrés ces femmes et ces enfants. Nous avons retrouvé du matériel qu'ils ont abandonné dans leur fuite. Des coupes-coupes, monsieur Moulin. Des coupes-coupes. Que votre armée les autorise toujours à porter. Cela constitue-t-il une preuve de leur culpabilité? Monsieur le préfet, les victimes ont été examinées par un médecin militaire allemand. Ne nous forcez pas à entrer dans les détails. Les violences qu'ils ont subies possèdent toutes les caractéristiques des crimes commis par des nègres. Ces nègres, comme vous dites, sont des soldats français. Ce sont des primates, des sauvages, des sous-hommes. Croyez-vous qu'en portant un uniforme, ils perdent leur caractère de leur race? Mais c'est ignoble. Pensez-vous réellement qu'un Français, qui plus est, un haut fonctionnaire, puisse signer une infamie pareille? Vous mettez en doute la parole d'un officier allemand? On devait m'introduire chez votre général. Où est le général? Je demande à le voir. Vous n'avez rien à demander. Lâchez-moi. Allez, signez, m'entendez-vous? Même en brutalisant, vous ne me ferez pas commettre une telle ignominie. Ignominie? Vous nous accusez de mensonge et d'ignominie? C'est très insultant, monsieur le préfet. Nous sommes officiers. Nous appartenons à l'armée d'une grande nation européenne, l'armée du Reich. Vos procédés sont indignes de votre grade. Taisez-vous! Signez! Signez, puis-je. Non, on m'a amené ici pour voir le général. Je vous le demande une nouvelle fois. Où est le général? Ah! Restez debout. Debout. C'est ainsi qu'on s'adresse à un officier allemand. Quand ces procédés infâmes vont-ils cesser? Quand vous aurez signé. Vous salissez votre uniforme. J'ai été soldat moi aussi pendant la Grande Guerre. J'avais appris à respecter le soldat ennemi. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Non. Que savez-vous de la Grande Guerre? Vous avez été incorporé 2 mois avant sa fin. Signe. Signe. Pourquoi protéger ces sauvages? Votre pays en est là. Décadence. Je vous le répète, je ne signerai pas un document qui déshonore l'armée française. Il n'y a plus d'armée française. Elle est vaincue. La France est écroulée, votre gouvernement a fui, vous n'êtes plus rien, vous êtes fini. Si je ne représente plus rien, pourquoi tenez-vous tant à ce que je signe ce papier? Vous n'êtes qu'un raisonneur de Français. Vous êtes resté à Chartres pour nous défier, susciter la méfiance de la population et provoquer la résistance. Je suis resté pour ne pas abandonner mes administrés et parce que mon ministre de l'Intérieur me l'a demandé. Votre ministre? Le juif Mandel? Ce pourceau de juif vendu aux Anglais qui a voulu déchaîner la guerre contre l'Allemagne? Vous étiez à la solde de ce Dupin. Vous êtes un pays de dégénérés. Un pays de juifs et de nègres. Lorsque Jean Moulin est interrogé, la guerre a pris un tournant décisif. En 3 jours, le président Roosevelt a informé Paul Reynaud, président du Conseil, de son refus d'engager les États-Unis dans le conflit. Le Conseil des ministres a repoussé la proposition de Churchill d'une union franco-britannique transmise par le sous-secrétaire d'État à la Défense nationale, le général Charles de Gaulle. Enfin, pour remplacer Paul Reynaud qui vient de démissionner, le président Lebrun a fait appel au maréchal Pétain. Plus rien n'arrêtera la Wehrmacht. Jean Moulin voulait des preuves, on va lui en donner. Il est jeté dans une voiture, direction la Taie, où les Allemands prétendent avoir découvert les crimes dont ils accusent les tirailleurs sénégalais. Tandis qu'un chien gronde sur la banquette, Moulin voit défiler des paysages ravagés par la guerre. Arbres calcinés, fermes effondrées, hameaux rasés. Sur la route, s'entassent carcasses de voitures, carrioles délabrées, landaus, valises. Dans un fossé, Moulin a le temps d'entrevoir le cadavre d'un vieil homme étendu sur le dos qui semble interroger le ciel de ses yeux morts. La Taie. Nous y voici. Vous allez voir par vous-même comment ces sous-hommes que vous appelez soldats français se sont comportés. Nous avons déposé les corps dans cette grange, monsieur Moulin. Entrez. Non. Entrez donc. Craignez-vous d'être confronté à la réalité? Et vous paraît que vous allez franchir les portes de l'enfer? Il faudrait qu'elles peuvent ressembler aux portes d'une grange. Qu'est-ce que... Quelle horreur. C'est l'œuvre de vos nègres. Regardez ces corps, monsieur Moulin. On ose imaginer à quoi ils ont servi. Regardez ces chairs tuméfiées, ces ventres ouverts. Regardez leurs parties intimes, ou ce qu'il en reste. Ôtez cette écharpe de votre nez. Ça vous incommode? Comment un être si délicat pourrait couvrir de tels sanctes? Non, nos soldats n'ont pu commettre ces atrocités. Non, je suis regardez cette femme. Vos nègres lui ont touché les membres avec leur coupe-coupe. Allez, chez-moi! Chez-moi, vous êtes fou! De plus près! Votre visage contre le sien. Imagination, ça pourrait presque reconstituer ce trait. Vous aimez son visage? Vous aimez ce que vos moricots en ont fait? Nous reviendrons quand vous serez décidé à signer. Dans la grange, l'odeur est suffocante. Jean Moulin est seul avec les cadavres tuméfiés, atrocement mutilés. Celui sur lequel les soldats l'ont jeté n'a plus forme humaine. Dans Premier combat, son texte, qui sera publié après la guerre, il en donne une vision insoutenable. Moignon sanguinolent, tête réduite à une boule informe où le sang a collé. Pour fuir cette vision, il s'est recroquevillé contre le mur de pierre. Pendant de longues heures, il attend de connaître son sort. Enfin, la porte s'ouvre. Les militaires le pressent à nouveau de signer. Il refuse une fois de plus. Alors qu'un officier veut le frapper, Moulin tente une manœuvre désespérée. Il se rue sur la porte restée ouverte. On lui tire dessus, il s'effondre, il est indemne, mais il n'a plus aucune force. On lui lie les bras avec la laisse du chien et on le traîne jusqu'à la voiture qui repart vers Chartres où l'interrogatoire recommence. Alors, monsieur le préfet, vous avez eu le temps de constater l'œuvre de vos nègres? J'ai surtout vu une odieuse mise en scène. Les malheureux corps que vous avez exposés ont de toute évidence été hachés par la mitraille de vos avions. Vous croyez qu'un Stuka peut trancher des membres? Aimez-vous à ce point les nègres que vous refusez de voir l'évidence? Votre entreprise est abjecte. Nous avons perdu trop de temps avec vous. Signez ce document. Jamais. Votre entêtement risque de vous coûter cher. Nous avez-vous compris? Baissez les yeux, monsieur Moulin. Cet air supérieur ne me convient pas, vaincu. Baissez les yeux, vous m'entendez? Vous voyez où vous mène votre attitude. Je suis surpris que vous vous obstiniez dans un comportement aussi stupide. Je ne m'obstine qu'à refuser le mensonge. Faites comme vous l'entendez. Vous avez la nuit pour réfléchir. Mais persister serait inutile. Sachez que demain, nous vous ferons signer. Croyez-moi au moins sur ce point. En attendant, puisque vous aimez tant les nègres, réjouissez-vous. Nous vous permettons de coucher avec l'un d'entre eux. Garde ! Conduisez le prisonnier dans la cellule du singe. Bonne nuit, monsieur le préfet. Laisse-moi t'aider. Merci. Kidou. Caporal Toumani Diop. Tirailleur au 26e RTS. Fait prisonnier à Hermonville. Repos, mon ami, repos. Je ne suis pas officier. Si tu n'es pas officier, pourquoi ton uniforme? C'est celui de préfet. Ils t'ont arrêté aussi? Oui. Pourquoi? Ils prétendent que vos camarades ont massacré des civils et ils veulent me faire signer un document l'attestant. Des civils? Quand? Où? Beaucoup de frères sont morts pour les défendre, les civils. Oui, je sais, mon ami, je sais. À Hermonville, on a tenu tant qu'on pouvait. Bien des frères sont tombés. Des soldats, comme moi. Des morts aussi. On était encerclés. On a fini par se rendre. Crois-moi, ce n'était pas de gaieté de cœur. Les Boches nous ont alignés devant deux mitrailleuses. Les Toubabs. Vous parlez du droit de la Convention de Genève. Oui, je connais. Les Allemands, je crois qu'ils ne l'ont pas lu. Ils disaient qu'on est des singes enragés, qu'ils allaient nous abattre. Les mitrailleuses nous fixaient comme les yeux de la mort. Mourir au combat, d'accord. C'est le mauvais sort d'un guerrier. Mais mourir comme ça, ils prenaient leur temps. La vérité de Dieu, les secondes étaient comme toute une vie. Finalement, ils n'ont pas tiré. C'était un jeu pour eux. Et pourquoi n'êtes-vous pas avec vos camarades, caporal ? Peut-être que les Boches, ils font attention à moi parce que je peux traduire la langue des Toubabs pour mes frères. Je connais le Wolof, le Bambara, le Soninké. Mais toi, dis-moi, le papier, tu l'as signé? Non, j'ai refusé. Par la vérité de Dieu, le courage est en toi. Qu'est-ce qui va t'arriver? Je l'ignore, mais jamais je ne me rendrai complice d'une telle forfaiture. Qu'est-ce que tu as sur le visage? Ils t'ont battu? Ce n'est rien. J'ai simplement besoin de récupérer un peu. Je vais m'allonger dans ce coin-là. Prends mon matelas. Tu en as plus besoin que moi. Je me reposerai par terre, j'ai l'habitude. Merci, mais partageons-le. Le sol est jonché d'éclats de verre. Si tu veux. De toute façon, je suis épuisé. Je vais dormir. Repose-toi aussi, préfet. Ouais. Tu auras besoin de toute ta force demain. Les menaces des Allemands ne laissent aucun doute. Je serai torturé. Aurais-je la force de résister? Qui peut savoir sa limite à la souffrance? Si malgré toute ma volonté, j'en venais à signer un document qui déshonore l'armée française, je me déshonorerais moi-même. Comment vivre après ça? Après avoir trahi tout ce à quoi je crois? Mon compagnon d'infortune m'a offert la seule chose qu'on lui a laissée, son matelas. Et moi? Moi, j'accuserai ses camarades qui ont tant donné pour défendre le pays. Tout. Tout, plutôt que cela. Tout, même la mort. Ma mère, le seul être humain à pouvoir me demander des comptes, me pardonnera lorsqu'elle saura. Elle n'aura pas à rougir de son fils. Allons. Quand la résolution est prise, il est simple d'exécuter les gestes nécessaires à l'accomplissement de son devoir. Le 19 juin 1940, à l'aube, en réveillant les prisonniers, les gardes trouvent Jean Moulin baignant dans son sang. Il s'est ouvert la gorge à l'aide des morceaux de verre ramassés dans sa cellule. Au risque de flancher sous la torture, Moulin a préféré la mort, mais elle n'a pas voulu de lui. Quand les soldats ouvrent la porte, il est conscient et parvient à se lever pour leur faire face. Les soldats donnent aussitôt l'alarme. Avant d'être transporté à l'hôpital, Moulin trouve encore la force de disculper le tirailleur sénégalais que les Allemands commençaient à accuser de l'avoir égorgé. ensanglanté, livide, la gorge tailladée. Son état est impressionnant, mais sa blessure n'est pas mortelle. À l'hôpital, il est soigné par le docteur Foubert et sœur Henriette. Vous voici recousu, monsieur le préfet. Dieu merci, votre blessure est peu profonde. Vous en serez quitte pour une belle cicatrice ? Mais ne bougez pas, je vais changer votre pansement. Tout de même, quel geste insensé. Sœur Henriette, le suicide est une offense à Dieu, c'est bien cela ? Croyez-vous qu'il préfère la trahison ? Au pied de la croix, nombreux sont ceux qui ont trahi Jésus. Il leur a pardonné. Mais il ne s'est pas soustrait à la mort. L'acceptation du Golgotha n'est pas loin du suicide. Ne blasphémez pas, monsieur le préfet. Je connais vos sentiments. Ah. C'est pour cela que vous me brutalisez. Vous brutalisez après ce que vous avez subi, je m'en garderai bien. En tout cas, si vos bourreaux vous ont transporté ici, c'est qu'ils ne veulent pas votre mort. Je dois probablement la vie à ma fonction. À moins que je ne sois qu'en sursis. Les Allemands. Leur voiture est en bas. Allez s'y attendre. Ah, voici l'ange gardien de notre ami. Comment va-t-il ? Monsieur le préfet est trop faible. Bien sûr, ma sœur. Il lui faut du repos. S'il vous plaît, ma sœur. On pourrait croire que vous me barrez le passage. Non. Monsieur le préfet, je suis envoyé par le général von Gutlingen. Il a appris que vous auriez essayé d'attenter à vos jours. Pouvez-vous m'expliquer la raison d'un tel geste ? Ne prenez pas tant de précautions oratoires. Sœur Henriette et le docteur Foubert sont au courant des traitements que vos camarades m'ont fait subir. Vous savez très bien que le suicide était le seul moyen de ne pas signer ce faux honteux. Monsieur le préfet, allons. Vous nous aurez mal compris, il s'agit d'un malentendu. Un malentendu ? Vraiment ? Tout m'a semblé très clair, au contraire. Méfions-nous de notre perception des choses. Elle est parfois trompeuse. La preuve, j'ai ordre de vous reconduire chez vous. Chez moi ? Oui. Vous voyez, nous n'avons rien contre vous. Hélas, c'est la guerre, et ce n'est pas l'Allemagne qui l'a déclaré. Habillez-vous. Nous vous attendons dans la cour. C'est à n'y rien comprendre. Hier, ils vous brutalisent, et aujourd'hui, c'est tout juste s'ils ne sont pas aimables. Le général von Gutlingen est un officier de 14. Et en ce temps-là, croyez-moi, on ne torturait pas les prisonniers. Et puis, assassiner le préfet aurait fait mauvaise impression. Mais doucement. Votre blessure était superficielle, mais vous avez perdu beaucoup de sang. Hein. Attendez, laissez-moi vous aider. Voilà. Pas de vertige ? Non, ça va, merci, ma sœur. Attention. Ah, monsieur le préfet est enfin sur pied. Bien, très bien. J'en suis content. Ma sœur, aidez-nous à l'installer dans mon automobile. Vous reconduisez bien monsieur Moulin chez lui, n'est-ce pas ? Bien sûr. Comme nous le lui avons dit, vous n'avez pas entendu ? Mais si, justement. Je ne comprends pas. Vous comprenez très bien, monsieur l'officier. Ma sœur, si vous ne portiez pas cet habit, je penserais que vous doutez de ma parole. Alors, oubliez que je le porte. Et vous, ma sœur, n'oubliez pas que le mien est l'uniforme des vainqueurs. Chauffeur, chez monsieur le préfet. Attendez, sœur Henriette. Mon écharpe, je vous prie. Tenez, la voici. Merci. Vous ne la quitterez donc jamais. Cette fois, elle cachera mes pansements. Vous cicatriserez vite, vous verrez. Vous serez sur pied pour fêter l'armistice. L'armistice ? Vous n'êtes pas encore au courant, c'est vrai. Votre nouveau chef de l'État, le maréchal Pétain, vient d'appeler vos troupes à cesser le combat. Un armistice ne saurait tarder. Cesser le combat. J'en doute. Cinq mois ont passé. Jean Moulin a repris à contre-cœur sa fonction de préfet. Il répugne à servir le nouvel État français, un État fantoche aux ordres de l'Allemagne nazie. Pourtant, il craint que sa démission lui attire une surveillance renforcée des autorités. Il attend donc sa révocation, qu'il sait imminente. Elle intervient le 2 novembre 1940. Jean Moulin va désormais se consacrer à l'émergence et à l'unification de la résistance. Persuadé que le sort des événements n'est pas scellé, que les Américains entreront en guerre et que la Russie finira par rompre son pacte avec l'Allemagne pour se ranger du côté des Alliés. 2 novembre 1940. Laure, ma chère sœur, je viens enfin d'être révoqué. Me voici à présent les coudées franches. Quoi qu'en dise Pétain, nous ne devons pas accepter la défaite. Je pars pour Lyon, puis Paris, rejoindre quelques amis du même avis. Il faut nous compter, nous grouper. Ensuite, nous pourrons agir. Nous n'en sommes qu'au début. La roue tournera. Le premier refus de Jean Moulin de Patrick Péchereau avec Jean Moulin, Yannick Choira, Pierre Bénard, François Loriquet, Sœur Henriette, Marie-Bénédicte Roy, le premier officier allemand Grégoire Mont-Saint-Jean, le deuxième officier allemand Joachim Salinger, le troisième officier allemand Léo-Antonin Lutinier, Toumani Diop, Slimane Yevza. Bruitage Bertrand Amiel, équipe technique Nicolas Depas-Graff et Olivier Dupré, assistante à la réalisation Clémence Bucher et Alexandra Garcia-Villa, réalisation Christophe Hoquet. Vous écoutez Autant n'emporte l'histoire sur France Inter, juste après Agnès Obel. On poursuit la discussion sur Jean Moulin avec mon invité, l'historienne Bénédicte Vergès-Chaignon. Thank you. Cameras Rolling d'Agnès Sobel sur France Inter, Autant en emporte l'histoire, à la réalisation Anne Weinfeld, assistée d'Emmanuel Fournier, programmation musicale Thierry Dupin, à la technique Raphaël Rousseau. Bénédicte Vergès-Chaignon, nous avons quitté donc Jean Moulin le 2 novembre 1940, alors qu'il vient d'apprendre qu'il est révoqué comme préfet par le gouvernement de Pétain. Absolument, parce qu'il a à juste titre la réputation d'un homme de gauche et d'un républicain. Donc, il n'est pas jugé compatible avec le programme de la Révolution nationale. Il est considéré comme un homme du passé. Oui, les raisons politiques l'ont emporté sur son comportement de préfet quand même héroïque. Absolument. Dans la manière où il s'est comporté avec ses concitoyens. Oui, il n'en a pas été tenu compte. Et même, ce sont les Allemands qui ont demandé un sursis pour lui avant sa révocation par le gouvernement français. Mais entre-temps, beaucoup de choses ont changé. Donc évidemment, il y a le régime de Vichy qui s'est mis en place. Et puis Pétain a commencé la collaboration avec Hitler, il l'a proposé. Oui, et Jean Moulin, bien sûr, ne pouvait pas accepter cette politique et de coopérer à cette politique. Simplement, il a fait le choix d'attendre, d'être évincé pour ne pas faire de coup d'éclat et pour ne pas se faire remarquer, mais aussi pour en profiter pour collecter des informations et se préparer des vrais faux papiers au nom de Joseph Mercier qu'il compte utiliser pour aller en Angleterre chercher de l'aide pour... Alors, ce qui ne s'appelle pas du tout encore la résistance, mais pour ce qui pourrait s'organiser en France pour participer à la libération de la France. À quel moment il pense à ça, à votre avis? Alors, dès le 17 juin? Oui, d'emblée. Je crois que c'est fondé sur son expérience de la guerre d'Espagne, où il a vu qu'il y avait besoin d'une aide extérieure, si possible désintéressée, pour lutter dans ce genre de situation. D'où son idée d'aller chercher cette aide financière, matérielle, en Angleterre, soit auprès de nos alliés anglais, soit auprès, dans un second temps, de la France libre du général de Gaulle, dont il ne connaît absolument que ce qu'il peut écouter à la radio comme n'importe quel Français. Est-ce qu'il a pu entendre l'appel du 18 juin? Ah, pas du tout, non, puisque c'est le lendemain de sa tentative de suicide. Et donc, il n'était pas en état d'écouter la radio, mais il faut dire qu'il n'avait pas non plus de radio et pas d'électricité à Chartres à ce moment-là. Comme beaucoup de Français. Ouais. Exactement. Et il n'est même pas au courant de la formation du gouvernement dirigé par le maréchal Pétain et de sa demande d'armistice qui est intervenue le 17 juin à midi. Donc, lui, lorsqu'il tente de se tuer, pense que la guerre continue plus au sud. Et donc, s'il trahissait l'armée française à ce moment-là, eh bien, ce serait vraiment une trahison pratiquement sur le front. Hein. Donc, ce n'est pas juste une question de principe. Vous voyez, il pense que la guerre continue. Revenons sur l'histoire donc qu'on vient de raconter de Jean Moulin à Chartres. D'abord, son action en tant que préfet pour venir en aide aux habitants avant même l'arrivée des Allemands à Chartres. Si on connaît bien cet épisode, c'est donc grâce au texte qu'il a écrit lui-même, Jean Moulin, l'année suivante, au printemps 41. Oui, voilà. Premier combat. Au début de l'année 1941, il est brièvement auprès de sa famille à Montpellier. Et il en profite pour, alors à mon avis, utiliser des notes qui ont été prises sur le vif ou peu de temps après les événements pour rédiger un témoignage auquel il ne donne pas de titre. Hein. C'est sa sœur Laure qui, après la guerre, va avoir l'idée merveilleuse de ce titre « Premier combat ». Donc c'est un court texte très fort. Ah, et très beau à lire encore aujourd'hui. Sans pathos aucun. Sans fioriture. Absolument. Et ce texte nous montre quel est le contexte des jours qui précèdent sa tentative de suicide, c'est-à-dire sa grande solitude dans un département déserté par une grande partie de ses habitants, par ses forces vives, par les représentants de l'administration, quels qu'ils soient, et alors qu'il fait face à un flot de réfugiés désespérés. Qu'est-ce qu'on apprend déjà de lui à ce moment-là, de l'homme qu'il va devenir, un homme d'action, un homme qui prend des décisions Oui, alors un homme extrêmement déterminé, un homme de devoir, parce que quand on dit qu'il est seul à faire face, c'est qu'à un moment, il prend une charrette à bras pour aller chercher des provisions. Et il assure des distributions lui-même. Il se rend lui-même sur les lieux des bombardements, car nous ne devons pas oublier que la guerre, c'est aussi des bombardements, même sur ce département-là. Donc Jean Moulin tente de se suicider parce qu'il a peur de flancher, parce qu'il a peur de signer, sans doute. Et il aurait pu mourir des suites de son suicide. Par chance, pour lui et pour nous aussi, il survit. En quoi cet épisode annonce-t-il aussi le futur Jean Moulin, le futur grand résistant ? Cet épisode lui a fait toucher directement ce qu'est la réalité de l'occupation allemande. Voilà, qui n'est pas cette occupation correcte qui est décrite par la propagande allemande dès l'été 1940. Et ça lui a fait mesurer que tant que l'administration française est utile aux Allemands, il y a des accommodements possibles, mais sur le fond, il n'y a pas de collaboration possible. Envisageable, bien oui. sûr. Ça, c'est le premier aspect. Après, ça lui a fait mesurer aussi, eh bien, dans son fort intérieur, jusqu'où il était capable d'aller. Et c'est vrai que, à partir de ce moment-là, il est prêt à faire le sacrifice de sa vie et à prendre des risques. Que va-t-il faire après cette révocation, donc, du 2 novembre 1940? Alors, il va, en parallèle, chercher à collecter des informations sur ce qui se dessine en France en matière de résistance et d'autre part préparer son propre départ en Angleterre sous une fausse identité de façon à pouvoir revenir en France et conserver une vie de façade en tant que Jean Moulin, ancien préfet. Il prend le nom de Joseph Mercier. Il prend le nom de Joseph Mercier. Joseph, c'est le nom de son frère aîné qui est mort très jeune. C'est une photo où il a une moustache sur cette fausse carte d'identité. Il entre dans la clandestinité. Absolument. Et il va mettre longtemps à arriver à sortir de France, en l'occurrence par l'Espagne et le Portugal, sous prétexte d'aller aux États-Unis, ce Joseph Mercier fantôme étant supposé être un professeur d'université. Il va lui falloir presque une année. Et il va rejoindre le général de Gaulle. Oui, il va rejoindre difficilement l'Angleterre. Les Britanniques vont l'approcher pour le recruter, mais il demande à rencontrer avant le général de Gaulle. Et à l'issue de leur première rencontre, son choix est fait pour le général de Gaulle et la France libre. Merci beaucoup Bénédicte Vergès-Chaignan de nous avoir rappelé cette histoire, donc les débuts de la résistance de Jean Moulin. Je rappelle que vous êtes l'auteur de Jean Moulin l'Affranchi chez Flammarion et votre dernier livre s'intitule Une juvénile fureur, Bonnier de la Chapelle, l'assassin de l'amiral Darlan qui est paru chez Perrin. À lire également Premier combat, donc le texte de Jean Moulin, préfacé par le général de Gaulle qui a été publié aux éditions de Minuit en 1947 et puis Jean Moulin, La République des Catacombes, la biographie de Daniel Cordier, bien sûr, publié chez Gallimard. À lire aussi le dernier roman de Patrick Pechereau, l'auteur de la fiction, Evel, chez Gallimard Série Noire, et qui est aussi en poche chez Folio Policier, qui a reçu le prix Marcel Aimé 2018 et le prix Mystère de la Critique 2019. Autant n'importe l'histoire, c'est terminé pour ce soir. Vous pouvez réécouter ou podcaster cette émission et toutes les précédentes sur notre site franceinter.fr et nous adresser vos commentaires sur la page Facebook de l'émission. Dimanche prochain, nous partirons au 19e siècle dans les bas-fonds de Londres à la rencontre de Joseph Merrick, alias Elephant Man. Cet homme au visage et au corps déformé que l'on exhibait dans des foires et qui aspirait à faire partie de l'humanité. Joseph Merrick, une vie d'homme éléphant, c'est dimanche prochain dans Autant n'importe l'histoire.